C'était il y a longtemps, un demi-siècle peut-être davantage. Le pays sortait d'une guerre aussi brève que dévastatrice. La ville avait connu plusieurs attaques aériennes qui l'avaient presque entièrement détruite et qui, de plus, avaient décimé la population de ses campagnes environnantes. Les autorités dirent après coup que cette guerre serait la dernière. Nous savions bien que ce n'était pas vrai. Mais nous avions besoin de jouer le jeu, de faire semblant d'y croire. Aussi avons-nous repensé la ville. Nous l'avons voulu de verre et d'acier chromé pour que chacun pût voir et se voir dans ses façades. Nous l'avons voulu haute afin qu'elle reflétât le ciel et s'y confondît. Les travaux ont duré longtemps, durent encore, dureront toujours, car la ville n'existe qu'en perpétuelle métamorphose. Oui, les travaux ont duré longtemps et durent encore, mais ils n'ont plus et n'ont pas toujours eu la même ampleur. Nous pensions en effet qu'il nous faudrait un jour tout recommencer à cause d'un nouveau conflit ou simplement parce que les premiers édifices construits auraient été à leur tour décrétés indignes ou insalubres. Mais nous n'en sommes jamais arrivés là. Quelque chose d'autre s'est passé, nous a obligés à ralentir nos travaux, quelquefois même à les stopper complètement et surtout, à reconsidérer notre entreprise. La ville est météorite. Autour de son point de chute, plus rien ne pousse et personne ne veut vivre. Nous avions espéré qu'après la guerre, tout rentrerait dans l'ordre, que les environs de la ville redeviendraient prospères et recherchés. Or, avec quelques années de recul, la vérité nous est apparue tout autre. Les abords de la ville ressemblaient chaque jour davantage à un immense terrain vague. Les maraîchers et les paysans sont partis les premiers. La terre, disaient-ils, ne donnait plus, et puis les enfants ne voulaient plus prendre la succession. Ils sont partis et ont laissé derrière eux des hectares de terres en friche. Certains, les plus âgés, se sont retirés dans les campagnes lointaines, les autres sont entrés dans la ville. Un jour, l'appellation de « zone morte » est apparue dans notre vocabulaire. Le premier pas vers l'habitude était fait. Plus tard, dans le double but d'offrir des espaces verts aux citadins et de se démarquer de cet environnement devenu hostile, nous avons aménagé une large couronne de gazon autour de la ville. Chaque fin de semaine, des familles entières venaient y pratiquer diverses activités sportives ou simplement s'y promener. Les choses avaient retrouvé un certain ordre, l'habitude était prise, il fallait juste empêcher les enfants d'aller jouer trop près de la zone morte. Entourée de celle-ci, au milieu de sa couronne verte, la ville scintillait comme un iceberg largué sous les tropiques. Cet ordre relatif, cette habitude, devait cependant être de nouveau bouleversé, car la ville se découvrait des ennemis. Contrairement aux prédictions de certains d'entre nous, ceci ne venait pas de l'extérieur, mais du cœur même de la ville. Suite à un véhément discours qu'un de nos politiciens fit à leur propos, nous les avons appelés les gueux. Aujourd'hui encore, nous ne les désignons jamais qu'ainsi. Il y avait toujours eu des gueux dans la ville, comme dans toutes les autres villes de ce pays et d'ailleurs. Cependant, pour diverses raisons, entre autres le dépeuplement total des campagnes alentour, leur nombre n'avait cessé de croître. Le jour, ils se tenaient aux portes des grands magasins, à la sortie des bureaux et des usines, dans les galeries marchandes, souvent assis à même le sol, sales et gouailleurs, une main toujours saillant de la manche de leurs habits déguenillés. La nuit, jusqu'à la fermeture des salles d'attente, ils restaient dans les gares et autres lieux publics. Ensuite, jusqu'au petit matin, ils traînaient dans les rues de la ville par petits groupes ou en véritables hordes, braillant à tue-tête sous nos fenêtres et nous empêchant de dormir. Les autorités se sont efforcées de régler le problème, d'abord en créant des centres d'accueil, puis en formant des brigades spéciales. La première de ces mesures ne résolut en rien le problème. Les gueux ne fréquentèrent les centres que pour y prendre les repas quotidiens que nous leur offrions. La seconde mesure eut pour conséquence de surpeupler nos maisons d'arrêt sans que le nombre de ces indésirables n'en semblât pour autant réduit. Alors, les autorités se sont tournées vers nous et, après un référendum à participation obligatoire, l'application d'une troisième mesure fut décrétée. Nous avons tous voté dans le même sens. Oui, nous avons tous voté dans le même sens. Pourtant, lorsque les résultats ont été annoncés de manière officielle, il y a eu un grand silence dans la ville, comme si nous songions déjà au jugement que les générations futures porteraient un jour sur nous et nos actions. La zone morte est devenue Faveland, et nous avons décidé d'y déporter les gueux. Nous fûmes tour à tour bâtons levés au-dessus des têtes, gueules de molosses mordant les jambes, tampons ancrés tatouant les bras, fourgons grillagés, sirènes hurlantes, hangars bourrés de corps en loques, trains de voitures aux portes verrouillées. Ce fut un matin très tôt à l'aube. 8 longs convois spécialement affrétés quittèrent en même temps les 8 gares de la ville. Plusieurs wagons étaient remplis de vivres, de vêtements et d'outils agricoles. Une heure plus tard, quelque part dans la Faveland, en des lieux distants d'une 50aine de kilomètres de la ville, nous avons déchargé les marchandises, puis nous avons ordonné aux gueux de descendre. Au bord des voies ferrées, ils sont restés immobiles, les yeux longtemps rivés sur les feux rouges des trains s'éloignant. Après la déportation des gueux, nous avons soufflé et nos nuits ont de nouveau été paisibles. Les autorités se sont félicitées. Nous leur étions certes reconnaissants. Mais un an peut-être, ou seulement quelques mois plus tard, ils sont revenus. Nous en avons d'abord revu 2 ou 3 dans la couronne verte, quelques-uns aux abords des gares, de petits groupes devant les portes closes des centres d'accueil. Puis tout a bientôt recommencé, les rues sales, les nuits bruyantes, les mains noires tendues. Les gueux étaient de retour, en plus grand nombre, semblait-il, et notre ville, de nouveau, leur appartenait. Consternés puis furieux, nous avons décidé de régler le problème par nos propres moyens, en créant des milices à cet effet. Mais, craignant que notre action dégénère en combat de rue, voire en guérilla, les autorités nous ont promis une solution imminente et définitive. Plusieurs mois passèrent, et une mesure fut effectivement proposée. Son ampleur dépassait tout ce que nous avions pu imaginer. Enfin, pour ou contre, il fallut bien reconnaître que c'était là l'unique solution qui fut à la fois radicale à long terme et envisageable dans l'immédiat. L'érection du mur a donc commencé quelques mois plus tard. Plusieurs grandes entreprises de travaux publics et la totalité de la main-d'œuvre disponible furent réquisitionnées. C'était un chantier sans précédent dans l'histoire de notre ville. Plus aucune construction n'apportait. Nous ne parlions que du mur, ne pensions qu'au mur. Un jour, enfin, celui-ci a pris forme. Il était 2 fois haut comme un homme, surmonté de barbelés, et suivait le tracé elliptique de la voie périphérique. Au début d'un hiver, les autorités ont annoncé l'achèvement des travaux et la date prochaine de l'inauguration officielle du mur. Dès le lendemain de cette annonce, les brigades spéciales ont recommencé de ratisser la ville, arrondissement par arrondissement, quartier par quartier, rue par rue, et nous avons pu ainsi procéder à une nouvelle déportation massive des gueux. Entouré de son mur, la ville semblait inexpugnable. Nos mots le disaient sans répit, nous le pensions sans doute, jusqu'au jour où les autorités parlèrent trop gravement des problèmes qui secouaient le monde, digressèrent trop longuement sur la menace d'un conflit grandiose et suicidaire pour l'humanité. Alors, nous avons compris. Oui, nous avons compris que ce soudain intérêt pour les moins nantis que soi et cette brillante rhétorique n'avaient d'autre objet que de distraire notre attention d'une réalité autrement plus tangible. Un nouveau danger pesait sur la ville. Un nouveau danger pesait sur la ville. Depuis plusieurs mois, la présence d'individus suspects avait été signalée. Les méfaits dont on les accusait n'avaient cessé de croître. À présent, force était d'admettre que la ville entière vivait sous leurs menaces. Comme les gueux, ces nouveaux ennemis traînaient en bande dans les rues jusqu'au petit matin. À l'aube, cependant, ils disparaissaient, et le jour, nous ne les voyons plus. Ils s'en prenaient surtout aux biens, publics et privés, avec une hargne incompréhensible, sauvage. N'eût été l'orage, nous les aurions assimilés aux gueux et déportés pareillement dans la favelande. Mais ils n'avaient pas 20 ans, étaient nés dans la ville et de la ville. Lorsque les gardes parvenaient à en arrêter quelques-uns, ce n'était qu'au terme de longues poursuites et d'affrontements violents, et leur surprise n'en était que plus intense une fois revenus au poste, car ils se retrouvaient en butte aux sarcasmes d'adolescents obstinés, railleurs, indifférents tant aux punitions de la société qu'aux réprimandes parentales. Nous étions désemparés. Désemparés. Pendant des mois et des mois, ils ont cassé nos voitures, vandalisé le bien public, souillé monuments et façades de graffitis rouge sang qui proclamaient « No future ». No future. Puis ils ont commencé de s'en prendre à nos animaux domestiques, de la terrasse des tours. Ils ont jeté dans le vide des petits chiens arrachés à leurs propriétaires durant la promenade. No future. Et finalement ont tourné leur violence vers nous. Ont battu plusieurs des nôtres, presque à mort, des gens honnêtes et ordinaires qui rentraient de leur travail à la tombée du jour. No future. Ont violé 2 filles qui refusaient de les suivre. No future. Enfin, ils ont incendié une voiture d'enfant sous le regard horrifié de la mère qui parvint de justesse à sauver son nourrisson. No future. Trop, c'en était trop. Les autorités ont dû regarder le problème en face. Des ennemis frappaient la ville, notre ville. Il fallait les anéantir. Mais il convenait d'abord de les identifier. Parce que nombre de ces jeunes gens ne gardaient sur leur crâne rasé qu'une crête médiane de cheveux teints en rouge vif, nous les avons appelés les Indiens. Les Indiens de la ville venaient de tous les quartiers, de tous les arrondissements. Chacune des bandes comptait autant de garçons que de filles, tous habillés d'eux-mêmes, toujours de noir et arborant pour la plupart la même coiffure outrancière. Certains se charbonnaient les yeux, d'autres portaient à l'oreille des anneaux de fer, croix de toutes sortes, épingles de sûreté, ou encore, en guise de collier, une méchante chaîne dont les maillons leur meurtrissaient les chairs. Nous voulions procéder avec les Indiens comme avec les gueux, conscients toutefois du fait qu'il nous faudrait obtenir pour cela le consentement des parents concernés. Mais là n'était pas le problème, n'en allait-il pas de l'intérêt de tous? Nous voulions réagir. Frappé vite et fort, et nous l'avons proclamé sur toutes les ondes de radio, chaînes de télévision, dans tous les journaux. Ce qui s'est passé ensuite, nous ne l'avons toujours pas compris. Nous ne l'avons toujours pas compris. Au lendemain de cette annonce, il y a eu une nuit de violence inégalée à ce jour. Combats de rue, viols, pillages, incendies, ce qui, dans un sens, il faut bien l'avouer, nous a confortés dans notre décision et a rallié à notre cause les derniers esprits sceptiques. Toujours est-il que dans les heures qui suivirent cette explosion de hargne, les Indiens sont partis. Oui, à notre stupéfaction la plus intense, ils s'en sont allés, ont déserté la ville, notre ville, la leur également, comme on déserte un navire en détresse. C'était à l'aube. Nous n'avons rien vu. Les gardes des portes sud ont rendu compte d'un véritable exode. Les médias ont rapporté les faits, rien que les faits. Personne n'a commenté l'événement. Nous-mêmes n'en avons guère discuté par la suite. Il y avait comme un sentiment général de gêne, un malaise indicible et profond. De plus, les Indiens partis restaient ceux qui les avaient engendrés, et par égard pour eux, il valait mieux se taire. Pendant des mois et des mois après la désertion des Indiens, les autorités ont trouvé refuge dans la rhétorique politicienne et jour après jour, chacun de nous a fait semblant de les écouter avec intérêt. Voilà, c'était hier. Rien n'a changé depuis. Aucun autre danger n'a été signalé. Nous savons que les gueux et les Indiens se sont installés dans la partie sud de la Favelande, ont fait leur pays de cette région où florissaient naguère les banlieues les plus industrielles de la ville. Les uns vivent en bande désorganisée, au jour le jour, sans loi ni morale d'aucune sorte. La plupart du temps, ils traînent aux abords des immenses cratères dans lesquels la ville déverse, puis incinère ses immondices. Nous disons qu'ils sont heureux. Les autres, par contre, les Indiens, se sont regroupés en tribus qui ont, comme nous l'avions prédit, un chef et leurs propres lois. Pour nous, l'idéologie commune à ces derniers se résume toujours et uniquement à ces mots que nous voyons encore écrits sur certains murs de la ville. No future. No future. Personne ne dit jamais qu'ils sont heureux. En fait, personne ne parle jamais d'eux. Nous n'avons pas compris les Indiens. Nous ne les comprendrons jamais. C'était hier. Aujourd'hui, la ville vit tranquille et confiante. Il reste certes quelques éléments indésirables dans ses murs, tout comme il reste encore quelques pustules disgracieuses sur son visage moderne. Mais dans la mesure où il ne dérange ni ne défigure trop, nous les tolérons. Ce ne sont d'ailleurs que des gueux que nous rencontrons encore dans certaines rues et aux abords des gares, car les Indiens, eux, désertent systématiquement la ville. Parfois, le soir ou la nuit, quand le sommeil ne vient pas, de nos balcons haut perchés, avec ou sans jumelles, nous regardons la Favelande, là-bas, sombre et désolée, et des questions nous traversent l'esprit. Que s'est-il passé? Fallait-il en arriver là? Que s'est-il passé? Il est vrai qu'à tant et tant parler de la Favelande, le mystère et l'interdit ont fini par lui faire un écrin de barbelés. Souvent, désormais, nous dérangeons nous-mêmes nos nuits tranquilles en projetant au-delà du mur nos angoisses et nos fantasmes. Certains d'entre nous y traquent les gueux dans le but illusoire de les massacrer jusqu'au dernier. D'autres y poursuivent à longueur de rêve des Indiens de plus en plus jeunes. Finalement, dans le plus grand secret, chacun de nous vit souvent ailleurs. Ailleurs. Demain ou plus tard, dans un demi-siècle ou peut-être avant, par une froide nuit d'hiver, alors que les tours de la ville reflèteront à l'envi un œil lunaire rond d'étonnement, quelqu'un, un poète à l'évidence, écrira ces mots sur le mur. Notre vie ressemble à la ville inventée. Nous en avons chassé les gueux et les Indiens l'ont désertée. Notre vie ressemble à la ville inventée. Nous en avons chassé les gueux et les Indiens l'ont désertée. Notre vie ressemble à la ville inventée. Nous en avons chassé les gueux et les Indiens l'ont désertée.